Section 47. Troisième partie. Livre 15e. Ce livre a été écrit à Paris en août et septembre 1830 et revu en décembre 1840. Les Républicains. Les Orléanistes. Monsieur Thiers est envoyé à Neuilly. Convocation des pairs chez le grand référendaire. La lettre m'arrive trop tard. Saint-Cloud. Seine. Monsieur le Dauphin et le Maréchal de Raguse. Neuilly, Monsieur le Duc d'Orléans, le Rhincy, le Prince vient à Paris. Une députation de la Chambre élective offre à Monsieur le Duc d'Orléans la lieutenance générale du royaume. Il accepte. Effort des Républicains. Monsieur le Duc d'Orléans va à l'Hôtel de Ville. Les Républicains au Palais Royal. Le roi quitte Saint-Cloud. Arrivée de Madame la Dauphine à Trianon. Corps diplomatique. Rambouillet. Ouverture de la session le 3 août. Lettre de Charles X à Monsieur le Duc d'Orléans. Départ du peuple pour Rambouillet. Fuite du roi. Réflexion. Palais Royal. Conversation. Dernière tentation politique. Monsieur de Saint-Aulaire. Dernier soupir du Parti Républicain. Journée du 7 août. Séance à la Chambre des Pairs. Mon discours. Je sors du Palais du Luxembourg pour n'y plus rentrer. Mes démissions. Charles X s'embarque à Cherbourg. Ce que sera la Révolution de Juillet. Fin de ma carrière politique. Les trois partis commençaient à se dessiner et à agir les uns contre les autres. Les députés qui voulaient la monarchie par la branche aînée étaient les plus forts légalement. Ils ralliaient à eux tout ce qui tendait à l'ordre. Mais moralement, ils étaient les plus faibles. Ils hésitaient, ils ne se prononçaient pas. Il devenait manifeste par la tergiversation de la cour qu'il tomberait dans l'usurpation plutôt que de se voir englouti dans la République. Celle-ci fit afficher un placard qui disait « La France est libre. Elle n'accorde au gouvernement provisoire que le droit de la consulter en attendant qu'elle ait exprimé sa volonté par de nouvelles élections. Plus de royauté, le pouvoir exécutif confié à un président temporaire, concours médiat ou immédiat de tous les citoyens à l'élection des députés. Liberté des cultes. » Ce placard résumait les seules choses justes de l'opinion républicaine. Une nouvelle assemblée de députés aurait décidé s'il était bon ou mauvais de céder à ce vœu. Plus de royauté. Chacun aurait plaidé sa cause et l'élection d'un gouvernement quelconque par un congrès national eût eu le caractère de la légalité. Sur une autre affiche républicaine du même jour, 30 juillet, on lisait en grosses lettres « Plus de Bourbon, tout est là, grandeur, repos, prospérité publique, liberté ». Enfin parut une adresse à messieurs les membres de la commission municipale, composant un gouvernement provisoire. Elle demandait qu'aucune proclamation ne fût faite pour désigner un chef lorsque la forme même du gouvernement ne pouvait être encore déterminée. Que le gouvernement provisoire restât en permanence jusqu'à ce que le vœu de la majorité des Français pût être connu, toute autre mesure étant intempestive et coupable. Cette adresse, émanant des membres d'une commission nommée par un grand nombre de citoyens de divers arrondissements de Paris, était signée par messieurs Chevalier, président, Trélat, Teste, Le Pelletier, Guinard, Ingret, Cauchois-le-Maire, etc. Dans cette réunion populaire, on proposait de remettre par acclamation la présidence de la République à M. de Lafayette. On s'appuyait sur les principes que la Chambre des représentants de 1815 avait proclamés en se séparant. Divers imprimeurs refusèrent de publier ces proclamations, disant que défense leur en était faite par M. le duc de Breuil. La République jetait par terre le trône de Charles X, elle craignait les inhibitions de M. de Breuil, lequel n'avait aucun caractère. Je vous ai dit que dans la nuit du 29 au 30, M. Lafitte, avec M. Thiers et Mignet, avait tout préparé pour attirer les yeux du public sur M. le duc d'Orléans. Le 30 parurent des proclamations et des adresses, fruits de ce conciliabule. « Évitons la République, disait-elle. Venait ensuite les faits d'armes de Gemappe et de Valmy, et l'on assurait que M. le duc d'Orléans n'était pas Capet, mais Valois. Et cependant, M. Thiers, envoyé par M. Lafitte, chevauchait Verneuilly avec M. Schaeffer. Son Altesse royale n'y était pas. Grand combat de paroles entre Mademoiselle d'Orléans et Monsieur Thiers. Il fut convenu qu'on écrirait à Monsieur le duc d'Orléans pour le décider à se rallier à la Révolution. Monsieur Thiers écrivit lui-même un mot au prince et Madame Adélaïde promit de devancer sa famille à Paris. L'orléanisme avait fait des progrès et dès le soir même de cette journée, il fut question parmi les députés de conférer les pouvoirs de lieutenant-général à Monsieur le duc d'Orléans. Monsieur de Sucy, avec les ordonnances de Saint-Cloud, avait été encore moins bien reçu à l'hôtel de ville qu'à la chambre des députés. Muni d'un récépissé de Monsieur de Lafayette, il revint trouver Monsieur de Mortemart qui s'écria « Vous m'avez sauvé plus que la vie, vous m'avez sauvé l'honneur !» La commission municipale fit une proclamation dans laquelle elle déclarait que les crimes de son pouvoir, de Charles X, étaient finis, et que le peuple aurait un gouvernement qui lui devrait, au peuple, son origine. Phrase ambiguë qu'on pouvait interpréter comme on voulait. Messieurs Lafitte et Perrier ne signèrent point cet acte. Monsieur de Lafayette, alarmé un peu tard de l'idée de la royauté orléaniste, envoya Monsieur Odilon Barrot à la Chambre des députés, annoncer que le peuple, auteur de la Révolution de juillet, n'entendait pas la terminer par un simple changement de personne, et que le sang versé valait bien quelques libertés. Il fut question d'une proclamation des députés afin d'inviter Son Altesse Royale le duc d'Orléans à se rendre dans la capitale. Après quelques communications avec l'hôtel de ville, ce projet de proclamation fut anéanti. On n'en tira pas moins au sort une députation de 12 membres pour aller offrir au châtelain de Neuilly cette lieutenance générale qui n'avait pu trouver passage dans une proclamation. Dans la soirée, Monsieur le grand référendaire rassemble chez lui les pairs. Sa lettre, soit négligence ou politique, m'arriva trop tard. Je me hâtai de courir au rendez-vous. On m'ouvrit la grille de l'allée de l'Observatoire. Je traversai le jardin du Luxembourg. Quand j'arrivai au palais, je n'y trouvai personne. Je refis le chemin des parterres, les yeux attachés sur la lune. Je regrettai les mers et les montagnes où elles m'étaient apparues, les forêts dans la cime desquelles, se dérobant elle-même en silence, elle avait l'air de me répéter la maxime d'Épicure. « Cache ta vie. » J'ai laissé les troupes, le 29 au soir, se retirer sur Saint-Cloud. Les bourgeois de Chaillot et de Passy les attaquèrent, tuèrent un capitaine de carabiniers, deux officiers, et blessèrent une dizaine de soldats. Le Motta, capitaine de la garde, fut frappé d'une balle par un enfant qu'il s'était plu à ménager. Ce capitaine avait donné sa démission au moment des ordonnances, mais voyant qu'on se battait le 27, il rentra dans son corps pour partager les dangers de ses camarades. Jamais, à la gloire de la France, il n'y eut un plus beau combat dans les parties opposées entre la liberté et l'honneur. Les enfants intrépides, parce qu'ils ignorent le danger, ont joué un triste rôle dans les trois journées. À l'abri de leur faiblesse, ils tiraient à bout portant sur les officiers qui se seraient crus déshonorés en les repoussant. Les armes modernes mettent la mort à la disposition de la main la plus débile. Singes lais et étiolés, libertins avant d'avoir le pouvoir de l'être, cruels et pervers, ces petits héros des trois journées se livraient à des assassinats avec tout l'abandon de l'innocence. Donnons-nous garde, par des louanges imprudentes, de faire naître l'émulation du mal. Les enfants de Sparte allaient à la chasse aux ilotes. Monsieur le Dauphin reçut les soldats à la porte du village de Boulogne, dans le bois, puis il rentra à Saint-Cloud. Saint-Cloud était gardé par les quatre compagnies des gardes du corps. Le bataillon des élèves de Saint-Cyr était arrivé. En rivalité et en contraste avec l'école polytechnique, il avait embrassé la cause royale. Les troupes exténuées, qui revenaient d'un combat de 3 jours, ne causaient par leurs blessures et leurs délabrements que de l'ébahissement aux domestiques titrés, dorés et repus, qui mangeaient à la table du roi. On ne songea point à couper les lignes télégraphiques, passaient librement sur la route courriers, voyageurs, malpostes, diligences, avec le drapeau tricolore qui insurgeait les villages en les traversant. Les embauchages, par le moyen de l'argent et des femmes, commencèrent. Les proclamations de la Commune de Paris étaient colportées, çà et là. Le roi et la cour ne se voulaient pas encore persuader qu'ils fussent en péril. Afin de prouver qu'ils méprisaient les gestes de quelques bourgeois mutinés et qu'il n'y avait point de révolution, ils laissaient tout aller. Le doigt de Dieu se voit dans tout cela. À la tombée de la nuit du 30 juillet, à peu près à la même heure où la commission des députés partait pour Neuilly, un aide-major fit annoncer aux troupes que les ordonnances étaient rapportées. Les soldats crièrent « Vive le roi !» et reprirent leur gaieté au bivouac. Mais cette annonce de l'aide-major envoyée par le duc de Raguse n'avait pas été communiquée au dauphin, qui, grand amateur de discipline, entra en fureur. Le roi dit au maréchal « Le dauphin est mécontent, allez vous expliquer avec lui ». Le maréchal ne trouva point le dauphin chez lui et l'attendit dans la salle de billard avec le duc de Guiche et le duc de Vintendour, aides-de-camp du prince. Le dauphin rentra. À l'aspect du maréchal, il rougit jusqu'aux yeux, traverse son antichambre avec ses grands pas si singuliers, arrive à son salon et dit au maréchal « Entrez ». La porte se referme, un grand bruit se fait entendre, l'élévation des voix s'accroît, le duc de Ventadour, inquiet, ouvre la porte, le maréchal sort, poursuivi par le dauphin qui l'appelle double traître, « Rendez votre épée, rendez votre épée !» et se jetant sur lui, il lui arrache son épée. L'aide-de-camp du maréchal, M. de la Rue, se veut précipiter entre lui et le dauphin. Il est retenu par M. de Montgascon. Le prince s'efforce de briser l'épée du maréchal et se coupe les mains. Il crie « À moi, garde du corps, qu'on le saisisse !» Les gardes du corps accoururent. Sans un mouvement de tête du maréchal, leur baïonnette l'aurait atteint au visage. Le duc de Raguse est conduit aux arrêts dans son appartement. Le roi arrangea tant bien que mal cette affaire, d'autant plus déplorable que les acteurs n'inspiraient pas un grand intérêt. Lorsque le fils du Balafré, Auxis Saint-Paul, maréchal de la Ligue, ont reconnu dans ce coup d'épée la fierté et le sang des Guises, mais quand Monsieur le Dauphin, plus puissant seigneur qu'un prince de Lorraine, aurait pourfendu le maréchal Marmont, qu'est-ce que cela eût fait? Si le maréchal eût tué Monsieur le Dauphin, c'eût été seulement un peu plus singulier. On verrait passer dans la rue César, descendant de Vénus, et Brutus, arrière-neveu de Junius, qu'on ne les regarderait pas. Rien n'est grand aujourd'hui, parce que rien n'est haut. Voilà comment se dépensait à Saint-Cloud la dernière heure de la monarchie. Cette pâle monarchie, défigurée et sanglante, ressemblait au portrait que nous fait Durfé d'un grand personnage expirant. Il avait les yeux hâves et enfoncés, la mâchoire inférieure couverte seulement d'un peu de peau paraissait s'être retirée. La barbe hérissée, le teint jaune, les regards lents, les souffles abattus. De sa bouche, il ne sortait déjà plus de paroles humaines, mais des oracles. Monsieur le duc d'Orléans avait eu sa vie durant pour le trône ce penchant que toute âme bien née sent pour le pouvoir. Ce penchant se modifie selon les caractères, impétueux et aspirant, mou et rampant, imprudent, ouvert, déclaré dans ceci, circonspect, caché, honteux et bas dans cela. L'un pour s'élever peut atteindre à tous les crimes, l'autre pour monter peut descendre à toutes les bassesses. Monsieur le duc d'Orléans appartenait à cette dernière classe d'ambitieux. Suivez ce prince dans sa vie, il ne dit et ne fait jamais rien de complet et laisse toujours une porte ouverte à l'évasion. Pendant la Restauration, il flatte la cour et encourage l'opinion libérale. Neuilly est le rendez-vous des mécontentements et des mécontents. On soupire, on se serre la main en levant les yeux au ciel, mais on ne prononce pas une parole assez significative pour être reportée en haut lieu. Un membre de l'opposition meurt-il, on envoie un carrosse au convoi, mais ce carrosse est vide. La livrée est admise à toutes les portes et à toutes les fosses. Si, au temps de mes disgrâces de cour, je me trouve aux Tuileries sur le chemin de Monsieur le duc d'Orléans, il passe en ayant soin de saluer à droite, de manière que moi, étant à gauche, il me tourne l'épaule. Cela sera remarqué et fera bien. Monsieur le duc d'Orléans connut-il d'avance les ordonnances de juillet? En fut-il instruit par une personne qui tenait le secret de Monsieur Ouvrard? Qu'en pensa-t-il? Quelles furent ses craintes et ses espérances? Conçut-il un plan? Poussa-t-il M. Laffitte à faire ce qu'il fit, ou laissa-t-il faire M. Laffitte? D'après le caractère de Louis-Philippe, on doit présumer qu'il ne prit aucune résolution et que sa timidité politique, se renfermant dans sa fausseté, attendit l'événement comme l'araignée attend le moucheron qui se prendra dans sa toile. Il a laissé le moment conspirer. Il n'a conspiré lui-même que par ses désirs, dont il est probable qu'il avait peur. Il y avait deux partis à prendre pour M. le duc d'Orléans. Le premier et le plus honorable était de courir à Saint-Cloud, de s'interposer entre Charles X et le peuple, afin de sauver la couronne de l'un et la liberté de l'autre. Le second consistait à se jeter dans les barricades, le drapeau tricolore au poing, et à se mettre à la tête du mouvement du monde. Philippe avait à choisir entre l'honnête homme et le grand homme. Il a préféré escamoter la couronne du roi et la liberté du peuple. Un filou, pendant le trouble et les malheurs d'un incendie, dérobe subtilement les objets les plus précieux du palais brûlant, sans écouter les cris d'un enfant que la flamme a surpris dans son berceau. La riche proie, une fois saisie, il s'est trouvé force chien à la curée. Alors sont arrivées toutes ces vieilles corruptions des régimes précédents, ces receleurs d'effets volés, crapauds immondes à demi écrasés, sur lesquels on a 100 fois marché, et qui vivent tout aplatis qu'ils sont. Ce sont là pourtant les hommes que l'on vante et dont on exalte l'habileté. Milton pensait autrement lorsqu'il écrivait ce passage d'une lettre sublime. Si Dieu versa jamais un amour ferme de la beauté morale dans le sein d'un homme, il l'a versé dans le mien. Quelque part que je rencontre un homme méprisant la fausse estime du vulgaire, osant aspirer par ses sentiments, son langage et sa conduite, à ce que la haute sagesse des âges nous a enseigné de plus excellent, je m'unis à cet homme par une sorte de nécessaire attachement. Il n'y a point de puissance dans le ciel ou sur la terre qui puisse m'empêcher de contempler avec respect et tendresse ceux qui ont atteint le sommet de la dignité et de la vertu. La cour aveugle de Charles X ne sut jamais où elle en était et à qui elle avait affaire. On pouvait mander M. le duc d'Orléans à Saint-Cloud, et il est probable que dans le premier moment il eût obéi. On pouvait le faire enlever à Neuilly le jour même des ordonnances, on ne prit ni l'un ni l'autre parti. Sur des renseignements que lui porta Madame de Bondy à Neuilly dans la nuit du mardi 27, Louis-Philippe se leva à 3 heures du matin et se retira en un lieu connu de sa seule famille. Il avait la double crainte d'être atteint par l'insurrection de Paris ou arrêté par un capitaine des gardes. Il alla donc écouter dans la solitude du Rincy les coups de canon lointains de la bataille du Louvre, comme j'écoutais sous un arbre ceux de la bataille de Waterloo. Les sentiments qui sans doute agitaient le prince ne devaient guère ressembler à ceux qui m'oppressaient dans les campagnes de Gand. Je vous ai dit que dans la matinée du 30 juillet, M. Thiers ne trouva point le duc d'Orléans à Neuilly, mais Mme la duchesse d'Orléans envoya chercher son Altesse royale. M. le comte Anatole de Montesquieu fut chargé du message. Arrivé au Rincy, M. de Montesquieu eut toutes les peines du monde à déterminer Louis-Philippe à revenir à Neuilly pour y attendre la députation de la Chambre des députés. Enfin, persuadé par le chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans, Louis-Philippe monta en voiture. M. de Montesquieu partit en avant, il alla d'abord assez vite, mais quand il regarda en arrière, il vit la calèche de son Altesse royale s'arrêter et rebrousser chemin vers le Rincy. M. de Montesquieu revient en hâte, implore la future majesté qui courait se cacher au désert, comme ces illustres chrétiens fuyant jadis la pesante dignité de l'épiscopat, le serviteur fidèle obtint une dernière et malheureuse victoire. Le soir du 30, la députation des 12 membres de la Chambre des députés, qui devait offrir la lieutenance générale du royaume au prince, lui envoya un message à Neuilly. Louis-Philippe reçut ce message à la grille du parc, le lut au flambeau, et se mit à l'instant en route pour Paris, accompagné de messieurs de Berthois, Haymès et Houdard. Il portait à sa boutonnière une cocarde tricolore. Il allait enlever une vieille couronne au garde-meuble. À son arrivée au palais royal, M. le duc d'Orléans envoya complimenter M. de Lafayette. La députation des 12 députés se présenta au palais royal. Elle demanda au prince s'il acceptait la lieutenance générale du royaume. Réponse embarrassée, « Je suis venu au milieu de vous partager vos dangers. J'ai besoin de réfléchir. Il faut que je consulte diverses personnes. Les dispositions de Saint-Cloud ne sont point hostiles, la présence du roi m'impose des devoirs. » Ainsi répondit Louis-Philippe. On lui fit rentrer ses paroles dans le corps, comme il s'y attendait. Après s'être retiré une demi-heure, il reparut portant une proclamation en vertu de laquelle il acceptait les fonctions de lieutenant général du royaume, proclamation finissant par cette déclaration « La charte sera désormais une vérité. » Portée à la chambre élective, la proclamation fut reçue avec cet enthousiasme révolutionnaire âgé de 50 ans. On y répondit par une autre proclamation de la rédaction de M. Guizot. Les députés retournèrent au Palais-Royal. Le prince s'attendrit, accepta de nouveau et ne put s'empêcher de gémir sur les déplorables circonstances qui le forçaient d'être lieutenant général du royaume. La République, étourdie des coups qui lui étaient portés, cherchait à se défendre. Mais son véritable chef, le général Lafayette, l'avait presque abandonné. Il se plaisait dans ce concert d'adoration qui lui arrivait de tous côtés. Il humait le parfum des révolutions. Il s'enchantait de l'idée qu'il était l'arbitre de la France, qu'il pouvait à son gré, en frappant du pied, faire sortir de terre une république ou une monarchie. Il aimait à se bercer dans cette incertitude où se plaisent les esprits qui craignent les conclusions, parce qu'un instinct les avertit qu'ils ne sont plus rien quand les faits sont accomplis. Les autres chefs républicains s'étaient perdus d'avance par divers ouvrages. L'éloge de la terreur, en rappelant aux Français 1793, les avait fait reculer. Le rétablissement de la garde nationale tuait en même temps, dans les combattants de juillet, le principe ou la puissance de l'insurrection. M. de Lafayette ne s'aperçut pas qu'en rêvassant la République, il avait armé contre elle 3 millions de gendarmes. Quoi qu'il en soit, honteux d'être sitôt pris pour dupe, les jeunes gens essayèrent quelque résistance. Ils répliquèrent par des proclamations et des affiches aux proclamations et aux affiches du duc d'Orléans. On lui disait que si les députés s'étaient abaissés à le supplier d'accepter la lieutenance générale du royaume, la Chambre des députés, nommée sous une loi aristocratique, n'avait pas le droit de manifester la volonté populaire. On prouvait à Louis-Philippe qu'il était fils de Louis-Philippe-Joseph, que Louis-Philippe-Joseph était fils de Louis-Philippe, que Louis-Philippe était fils de Louis, lequel était fils de Philippe II, régent, que Philippe II était fils de Philippe Ier, lequel était frère de Louis XIV. Donc Louis-Philippe d'Orléans était Bourbon et Capet, non Valois. M. Lafitte n'en continuait pas moins à le regarder comme étant de la race de Charles IX et de Henri III, et disait « Thiers, c'est cela ». Plus tard, la Réunion Lointier s'écria que la nation était en armes pour soutenir ses droits par la force. Le comité central du 12e arrondissement déclara que le peuple n'avait point été consulté sur le mode de sa constitution, que la Chambre des députés et la Chambre des pairs, tenant leur pouvoir de Charles X, étaient tombés avec lui, qu'elle ne pouvait en conséquence représenter la nation, que le 12e arrondissement ne reconnaissait point la lieutenance générale, que le gouvernement provisoire devait rester en permanence sous la présidence de Lafayette, jusqu'à ce qu'une constitution eût été délibérée et arrêtée comme base fondamentale du gouvernement. Le 30 au matin, il était question de proclamer la République. Quelques hommes déterminés menaçaient de poignarder la commission municipale si elle ne conservait pas le pouvoir. Ne s'en prenait-on pas aussi à la Chambre des pairs? On était furieux de son audace. L'audace de la Chambre des pairs! Certes, c'était là le dernier ouvrage et la dernière injustice qu'elle eût dû s'attendre à éprouver de l'opinion. Il y eut un projet. 20 jeunes gens des plus ardents devaient s'embusquer dans une petite rue donnant sur le quai de la Ferraille et faire feu sur Louis-Philippe lorsqu'il se rendrait du Palais-Royal à la Maison de Ville. On les arrêta en leur disant « Vous tuerez en même temps Lafitte, Pajol et Benjamin Constant ». Enfin, on voulait enlever le duc d'Orléans et l'embarquer à Cherbourg. Étrange rencontre, si Charles X et Philippe se fussent retrouvés dans le même port, sur le même vaisseau, l'un expédié à la rive étrangère par les bourgeois, l'autre par les républicains. Le duc d'Orléans, ayant pris le parti d'aller faire confirmer son titre par les tribuns de l'hôtel de ville, descendit dans la cour du Palais-Royal, entouré de 89 députés en casquette, en chapeau rond, en habit, en redingote. Le candidat royal est monté sur un cheval blanc. Il est suivi de Benjamin Constant dans une chaise à porteurs, ballotté par 2 Savoyards. Messieurs Méchin et Viennet, couverts de sueur et de poussière, marchent entre le cheval blanc du monarque futur et la brouette du député goutteux, se querellant avec les 2 crocheteurs pour garder les distances voulues. Un tambour à moitié ivre battait la caisse à la tête du cortège. 4 huissiers servaient de licteurs. Les députés les plus zélés, Meuglet, vive le duc d'Orléans. Autour du Palais-Royal, ces cris eurent quelques succès. Mais à mesure qu'on avançait vers l'hôtel de ville, les spectateurs devenaient moqueurs ou silencieux. Philippe se démenait sur son cheval de triomphe et ne cessait de se mettre sous le bouclier de M. Laffitte, en recevant de lui, chemin faisant, quelques paroles protectrices. Il souriait au général Gérard, faisait des signes d'intelligence à M. Viennet et à M. Méchin, mendiait la couronne, enquêtant le peuple avec son chapeau orné d'une aune de ruban tricolore, tendant la main à quiconque voulait en passant aumôner cette main. La monarchie ambulante arrive sur la place de Grève, où elle est saluée des cris « Vive la République !» Quand la matière électorale royale pénétra dans l'intérieur de l'hôtel de ville, des murmures plus menaçants accueillirent le postulant. Quelques serviteurs zélés qui criaient son nom reçurent des gourmades. Il entre dans la salle du trône. Là se pressaient les blessés et les combattants des trois journées. Une exclamation générale, « Plus de Bourbon, vive Lafayette !» ébranla les voûtes de la salle. Le prince en parut troublé. M. Viennet lut à haute voix pour M. Laffitte la déclaration des députés. Elle fut écoutée dans un profond silence. Le duc d'Orléans prononça quelques mots d'adhésion. Alors M. Dubourg dit rudement à Philippe, « Vous venez de prendre de grands engagements. S'il vous arrivait jamais d'y manquer, nous sommes gens à vous les rappeler. » Et le roi futur de répondre, tout ému, « Monsieur, je suis honnête homme. » M. de Lafayette, voyant l'incertitude croissante de l'assemblée, se mit tout à coup en tête d'abdiquer la présidence. Il donne au duc d'Orléans un drapeau tricolore, s'avance sur le balcon de l'hôtel de ville et embrasse le prince aux yeux de la foule ébahie, tandis que celui-ci agitait le drapeau national. Le baiser républicain de Lafayette fit un roi, singulier résultat de toute la vie du héros des deux mondes. Et puis, plan, plan, la litière de Benjamin Constant et le cheval blanc de Louis-Philippe rentrèrent, moitié hués, moitié bénis, de la fabrique politique de la Grève au palais marchand. Ce jour-là même, dit encore M. Louis Blanc, 31 juillet, et non loin de l'hôtel de ville, un bateau placé au bas de la morgue et surmonté d'un pavillon noir recevait des cadavres qu'on descendait sur des civières. On rangeait ces cadavres par piles en les couvrant de paille. Et rassemblés le long des parapets de la Seine, la foule regardait en silence. À propos des états de la Ligue et de la confection d'un roi, Palma Kayé s'écrie « Je vous prie de vous représenter quelle réponse eût pu faire ce petit bonhomme maître Mathieu Delaunay et M. Boucher, curé de Saint-Benoît, et quelques autres de cette étoffe, à qui leur eût dit qu'ils dussent être employés pour installer un roi en France à leur fantaisie. Les vrais Français ont toujours eu en mépris cette forme d'élire les rois qui les rend maîtres et valets tout ensemble. » Philippe n'était pas au bout de ses épreuves. Il avait encore bien des mains à serrer, bien des accolades à recevoir. Il lui fallait encore envoyer bien des baisers, saluer bien bas les passants, venir bien des fois aux caprices de la foule, chanter la Marseillaise sur le balcon des Tuileries. Un certain nombre de républicains s'étaient réunis le matin du 31 au bureau du National. Lorsqu'ils surent qu'on avait nommé le duc d'Orléans lieutenant général du royaume, ils voulurent connaître les opinions de l'homme destiné à devenir leur roi malgré eux. Ils furent conduits au palais royal par M. Thiers. C'étaient messieurs Bastide, Thomas, Joubert, Cavaignac, Marchais, de Gouzet, Guinard. Le prince dit d'abord de fort belles choses sur la liberté. « Vous n'êtes pas encore roi, » répliqua Bastide. « Écoutez la vérité. Bientôt, vous ne manquerez pas de flatteurs. »« Votre père, » ajouta Cavaignac, « est régicide, comme le mien. Cela vous sépare un peu des autres. » Congratulations mutuelles sur le régicide, néanmoins, avec cette remarque judicieuse de Philippe, qu'il y a des choses dont il faut garder le souvenir pour ne pas les imiter. Des républicains qui n'étaient pas de la réunion du National entrèrent. M. Tréla dit à Philippe, « Le peuple est le maître. Vos fonctions sont provisoires. Il faut que le peuple exprime sa volonté. Le consultez-vous, oui ou non ?» M. Thiers, frappant sur l'épaule de M. Thomas et interrompant ses discours dangereux, « Monseigneur, n'est-ce pas que voilà un beau colonel ?»« C'est vrai, » répond Louis-Philippe. « Qu'est-ce qu'il dit donc ? » s'écrit-on. « Nous prend-il pour un troupeau qui vient se vendre ?» Et l'on entend de toutes parts ces mots contradictoires. C'est la tour de Babel, et l'on appelle cela un roi citoyen. La République, gouvernez donc avec des républicains. » Et M. Thiers de s'écrier, « J'ai fait là une belle ambassade. » Puis M. de Lafayette descendit au Palais-Royal. Le citoyen faillit être étouffé sous les embrassements de son roi. Toute la maison était pâmée. Les vestes étaient au poste d'honneur, les casquettes dans les salons, les blouses à table avec les princes et les princesses, dans le conseil des chaises, point de fauteuil, la parole à qui la voulait, Louis-Philippe assis entre M. de Lafayette et M. Lafitte, les bras passés sur l'épaule de l'un et de l'autre, s'épanouissait d'égalité et de bonheur. J'aurais voulu mettre plus de gravité dans la description de ces scènes qui ont produit une grande révolution, ou, pour parler plus correctement, de ces scènes par lesquelles sera hâtée la transformation du monde. Mais je les ai vues. Des députés qui en étaient les acteurs ne pouvaient s'empêcher d'une certaine confusion en me racontant de quelle manière, le 31 juillet, ils étaient allés forger un roi. On faisait à Henri IV non catholique des objections qui ne le ravalaient pas, et qui se mesurait à la hauteur même du trône. On lui remontrait que Saint Louis n'avait pas été canonisé à Genève, mais à Rome, que si le roi nettoie catholique, il ne tiendroit pas le premier rang des rois en la chrétienté, qu'il nettoie pas beau que le roi pria d'une sorte et son peuple d'une autre, que le roi ne pourroit être sacré à Reims, et qu'il ne pourroit être enterré à Saint-Denis s'il nettoie catholique. Qu'objectait-on à Philippe avant de le faire passer au dernier tour de scrutin? On lui objectait qu'il n'était pas assez patriote. Aujourd'hui que la révolution est consommée, on se regarde comme offensé lorsqu'on ose rappeler ce qui se passa au point de départ. On craint de diminuer la solidité de la position qu'on a prise, et quiconque ne trouve pas dans l'origine du fait commençant la gravité du fait accompli est un détracteur. Lorsqu'une colombe descendait pour apporter à Clovis l'huile sainte, lorsque les rois chevelus étaient élevés sur un bouclier, lorsque Saint Louis tremblait par sa vertu prématurée en prononçant à son sacre le serment de n'employer son autorité que pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple, lorsque Henri IV, après son entrée à Paris, alla se prosterner à Notre-Dame, que l'on vit ou que l'on crut voir à sa droite un bel enfant qui le défendait et que l'on prit pour son ange gardien, je conçois que le diadème était sacré. L'oriflamme reposait dans les tabernacles du ciel. Mais depuis que sur une place publique, un souverain, les cheveux coupés, les mains liées derrière le dos, a abaissé sa tête sous le glaive au son du tambour, depuis qu'un autre souverain, environné de la plèbe, est allé mendier des votes pour son élection, au bruit du même tambour, sur une autre place publique, qui conserve la moindre illusion sur la couronne? Qui croit que cette royauté meurtrie et souillée puisse encore imposer au monde? Quel homme, sentant un peu son cœur battre, voudrait avaler le pouvoir dans ce calice de honte et de dégoût que Philippe a vidé d'un seul trait sans vomir? La monarchie européenne aurait pu continuer sa vie, si l'on eût conservé en France la monarchie mère, fille d'un saint et d'un grand homme. Mais on en a dispersé les semences. Rien n'en renaîtra. Vous venez de voir la royauté de la Grèce s'avancer poudreuse et haletante sous le drapeau tricolore au milieu de ses insolents amis. Voyez maintenant la royauté de Reims se retirer à pas mesurés au milieu de ses aumôniers et de ses gardes, marchant dans toute l'exactitude de l'étiquette, n'entendant pas un mot qui ne fût un mot de respect, et révérée même de ceux qui la détestaient. Le soldat, qui l'estimait peu, se faisait tuer pour elle. Le drapeau blanc, placé sur son cercueil avant d'être reployé pour jamais, disait au vent « Saluez-moi, j'étais à Ivry, j'ai vu mourir Turenne, les Anglais me connurent à Fontenoy, j'ai fait triompher la liberté sous Washington, j'ai délivré la Grèce, et je flotte encore sur les murailles d'Alger. » Le 31, à l'aube du jour, à l'heure même où le duc d'Orléans, arrivé à Paris, se préparait à l'acceptation de la lieutenance générale, les gens du service de Saint-Cloud se présentèrent au bivouac du pont de Sèvres, annonçant qu'ils étaient congédiés et que le roi était parti à 3h30 du matin. Les soldats s'émurent, puis ils se calmèrent à l'apparition du dauphin. Il s'avançait à cheval, comme pour les enlever par un de ces mots qui mènent les Français à la mort ou à la victoire. Il s'arrête au front de la ligne, balbutie quelques phrases, tourne court et rentre au château. Le courage ne lui faillit pas, mais la parole. La misérable éducation de nos princes de la branche aînée depuis Louis XIV les rendait incapables de supporter une contradiction, de s'exprimer comme tout le monde et de se mêler au reste des hommes. Cependant, les hauteurs de Sèvres et les terrasses de Bellevue se couronnaient d'hommes du peuple. On échangea quelques coups de fusil. Le capitaine qui commandait à l'avant-garde du pont de Sèvres passa à l'ennemi. Il mena une pièce de canon et une partie de ses soldats aux bandes réunies sur la route du point du jour. Alors les Parisiens et la garde convinrent qu'aucune hostilité n'aurait lieu jusqu'à ce que l'évacuation de Saint-Cloud et de Sèvres fût effectuée. Le mouvement rétrograde commença. Les Suisses furent enveloppés par les habitants de Sèvres, jetèrent bas leurs armes, bien que dégagées presque aussitôt par les lanciers, dont le lieutenant-colonel fut blessé. Les troupes traversèrent Versailles, où la garde nationale faisait le service depuis la veille avec les grenadiers de la Roche-Jacquelin, l'une sous la cocarde tricolore, les autres avec la cocarde blanche. Madame la Dauphine arriva de Vichy et rejoignit la famille royale à Trianon, jadis séjour préféré de Marie-Antoinette. À Trianon, M. de Polignac se sépara de son maître. On a dit que Madame la Dauphine était opposée aux ordonnances. Le seul moyen de bien juger les choses, c'est de les considérer dans leur essence. Le plébéien sera toujours d'avis de la liberté, le prince s'inclinera toujours au pouvoir. Il ne leur en faut faire ni un crime, ni un mérite, c'est leur nature. Madame la Dauphine aurait peut-être désiré que les ordonnances eussent paru dans un moment plus opportun, alors que de meilleures précautions eussent été prises pour en garantir le succès. Mais au fond, elle lui plaisait et lui devait plaire. Madame la Duchesse de Berry en était ravie. Ces deux princesses crurent que la royauté, hors de page, était enfin affranchie des entraves que le gouvernement représentatif attache aux pieds du souverain. On est étonné dans ces événements de juillet de ne pas rencontrer le corps diplomatique, lui qui n'était que trop consulté de la cour et qui se mêlait trop de nos affaires. Il est question deux fois des ambassadeurs étrangers dans nos derniers troubles. Un homme fut arrêté aux barrières et le paquet dont il était porteur envoyé à l'hôtel de ville. C'était une dépêche de M. de Lovenhelm au roi de Suède. M. Baude fit remettre cette dépêche à la légation suédoise sans l'ouvrir. La correspondance de Lord Stuart étant tombée entre les mains des meneurs populaires, elle lui fut pareillement renvoyée, sans avoir été ouverte, ce qui fit merveille à Londres. Lord Stuart, comme ses compatriotes, adorait le désordre chez l'étranger. Sa diplomatie était de la police, ses dépêches des rapports. Il m'aimait assez lorsque j'étais ministre parce que je le traitais sans façon et que ma porte lui était toujours ouverte. Il entrait chez moi en bottes, à toute heure, crotté et vêtu comme un voleur, après avoir couru sur les boulevards et chez les dames qu'il payait mal et qu'il appelait Stuart. J'avais conçu la diplomatie sur un nouveau plan. N'ayant rien à cacher, je parlais tout haut. J'aurais montré mes dépêches au premier venu parce que je n'avais aucun projet pour la gloire de la France que je ne fusse déterminé à accomplir en dépit de tout opposant. J'ai dit 100 fois à Sir Charles Stuart, en riant, et j'étais sérieux. Ne me cherchez pas querelle. Si vous me jetez le gant, je le relève. La France ne vous a jamais fait la guerre avec l'intelligence de votre position. C'est pourquoi vous nous avez battus. Mais ne vous y fiez pas. Lord Stuart vit donc nos troubles de juillet dans toute cette bonne nature qui jubile de nos misères. Mais les membres du corps diplomatique, ennemis de la cause populaire, avaient plus ou moins poussé Charles X aux ordonnances, et cependant, quand elles parurent, il ne fit rien pour sauver le monarque. Que si M. Pozzo di Borgo se montra inquiet d'un coup d'État, ce ne fut ni pour le roi, ni pour le peuple. Deux choses sont certaines. Premièrement, la révolution de juillet attaquait les traités de la Quadruple Alliance. La France des Bourbons faisait partie de cette alliance. Les Bourbons ne pouvaient donc être dépossédés violemment sans mettre en péril le nouveau droit politique de l'Europe. Secondement, dans une monarchie, les légations étrangères ne sont point accréditées auprès du gouvernement. Elles le sont auprès du monarque. Le strict devoir de ces légations était donc de se réunir à Charles X et de le suivre tant qu'il serait sur le sol français. n'est-il pas singulier que le seul ambassadeur à qui cette idée soit venue ait été le représentant de Bernadotte, d'un roi qui n'appartenait pas aux vieilles familles de souverains? M. de Löwenhielm allait entraîner le baron de Werther dans son opinion quand M. Pozzo di Borgo s'opposa à une démarche qu'imposaient les lettres de créance et que commandait l'honneur. Si le corps diplomatique se fut rendu à Saint-Cloud, la position de Charles X changeait. Les partisans de la légitimité eussent acquis dans la chambre élective une force qui leur manqua tout d'abord. La crainte d'une guerre possible eût alarmé la classe industrielle. L'idée de conserver la paix en gardant Henri V eût entraîné dans le parti de l'enfant royal une masse considérable de population. M. Pozzo di Borgo s'abstint pour ne pas compromettre ses fonds à la bourse ou chez des banquiers, et surtout pour ne pas exposer sa place. Il a joué aux 5% sur le cadavre de la légitimité capétienne, cadavre qui communiquera la mort aux autres rois vivants. Il ne manquera plus dans quelque temps d'ici que d'essayer, selon l'usage, de faire passer cette faute irréparable d'un intérêt personnel pour une combinaison profonde. Les ambassadeurs qu'on laisse trop longtemps à la même cour prennent les mœurs du pays où ils résident. Charmés de vivre au milieu des honneurs, ne voyant plus les choses comme elles sont, ils craignent de laisser passer dans leurs dépêches une vérité qui pourrait amener un changement dans leur position. Autre chose est en effet d'être à Sterazzi, Werther, Pozzo à Vienne, à Berlin, à Pétersbourg, ou bien leurs excellences les ambassadeurs à la cour de France. On a dit que M. Pozzo avait des rancunes contre Louis XVIII et Charles X, à propos du cordon bleu et de la pairie. On eut tort de ne pas le satisfaire. Il avait rendu aux Bourbons des services, en haine de son compatriote Bonaparte. Mais si à Gand, il décida la question du trône en provoquant le départ subit de Louis XVIII pour Paris, il se peut vanter qu'en empêchant le corps diplomatique de faire son devoir dans les journées de juillet, il a contribué à faire tomber de la tête de Charles X la couronne qu'il avait aidé à replacer sur le front de son frère. Je le pense depuis longtemps, les corps diplomatiques, nés dans des siècles soumis à un autre droit des gens, ne sont plus en rapport avec la société nouvelle. Des gouvernements publics, des communications faciles font qu'aujourd'hui les cabinets sont à même de traiter directement et sans autre intermédiaire que des agents consulaires dont il faudrait accroître le nombre et améliorer le sort. Car à cette heure, l'Europe est industrielle. Les espions titrés, à prétentions exorbitantes, qui se mêlent de tout pour se donner une importance qui leur échappe, ne servent qu'à troubler les cabinets près desquels ils sont accrédités, et à nourrir leurs maîtres d'illusions. Charles X eut tort de son côté, en n'invitant pas le corps diplomatique à se rendre à sa cour, mais ce qu'il voyait lui semblait un rêve. Il marchait de surprise en surprise. C'est ainsi qu'il ne manda pas auprès de lui M. le duc d'Orléans, car, ne se croyant en danger que du côté de la République, le péril d'une usurpation ne lui vint jamais en pensée. Fin de la section 47.